Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. The other night while sleeping, I had a nightmare. Baby, I had eaten it. It was a mess. I will tell you. Let me tell you my story. Yeah, boy. Yeah. Listen to my story. Last night I was dreaming. It was an uprising. I wake up in the morning and I told you this yeah thing. It was a riot in a big city. It was a riot in a big city. Don't mess with pigs, them a fight and fuss. Fight over freedom, fight a butcher. No for them a ending in a slicer. Laugh up for them pigs, I eat man meat. Big vengeance, them a cut man teeth. Anana man drop, ending in a chopper. What a nightmare, oh what a murder. Skibbity blam, skibbity blam, skibbity blam blam. Skibbity blam, skibbity blam, skibbity blam blam. Skibbity blam, skibbity blam, skibbity blam blam. Skibbity blam, skibbity blam. It was a riot in a big city. It was a riot in a big city. No, I'm a vegetarian. I wanna be a righteous man. Me no eat no slice of taros. I disagree, but the slap taros. In a me kitchen, me no cook no meat in a the pot. No give me no no no give me none of that. Pass me the fruit, give me the juice of carrot. Listen to my story. Last night I was dreaming. It was an uprising. I wake up in the morning and I told you this yeah thing. It was a riot in a big city. It was a riot. It's a big disaster. Open your eyes and see the slaughter. When me talk on the microphone, I'm free from belief. Me no want no steak, me no want no chicken, me no want no beef. Me no want no steak, me no want no chicken, me no want no beef. All I need is a big bag of leaf. Skibbity blam, skibbity blam, skibbity blam blam. Skibbity blam, skibbity blam. It was a riot in a big city. It was a riot in a big city. Don't mess with pigs, them a fight and fuss. Fight over freedom, fight a butcher. No for them a ending in a slicer. Laugh up for them pigs, I eat man meat. A big vengeance, them a cut man teeth. Another man drop, ending in a chopper. What a nightmare, oh what a murder. Skibbity blam, skibbity blam, skibbity blam blam. Skibbity blam, skibbity blam. It was a riot in a big city. It was a riot in a big city. Yes, Papa, we play it in a rub-a-dub style, in a polka-dub style. Yes. Ma jeunesse emmerdait le Front National, la jeunesse emmerde le Rassemblement National. Et la France en marche aussi. Les vrais insoumis n'ont pas de parti. Les vrais enculés, si, porcherie. Y'a du poney dans mes lasagnes, porcherie. Y'a des flashballs dans les castagnes, porcherie. C'est la crise en Espagne, porcherie. Je n'ai pas de caisse ni d'épargne, porcherie. Y'a du chat dans mes nems, porcherie. Plein de couilles dans le système, porcherie. Babylone pose problème, porcherie. Mais Dieu nous aime, porcherie. Complément d'enquête, envoyé spécial, évadé social, totalement instable. Complètement enquête d'un truc spécial, prisonnier fiscal, totalement insolvable. Plein de trucs en tête, mais pas grand chose dans les poches. Le temps que j'éponge mes têtes, la fin du monde se rapproche. J'écume les fêtes, je serre des mains, je check des points, puis je me casse. Quand la fin de la bouteille est proche, je parle à mon téléphone plutôt que de parler à personne. Des fois je parle tout seul et je n'écoute personne. À force de se taire, on n'entend plus le silence. À force de bière, on remplit le silence. Et resserre-moi un verre, s'il te plaît, mon frère. T'inquiète, on se connaît pas, mais on est tous des frères. Je suis pas tout seul dans ma tête, mais je suis tous des frères. Je suis pas tout seul sur la terre, mais c'est pas tous mon frère. Apparemment, on est beaucoup, mais j'en connais que très peu. Dans mon immeuble, j'ai des voisins, mais je n'en connais que deux. Ici, téléphone maison, et y'a personne qui répond. Envie de changer de planète, voir s'il y a quelqu'un qui m'attend. Deux pas en arrière, un pas en avant. Je suis bien d'accord, futur, c'était bien mieux avant. Le futur fut un temps, c'était bien plus bandant. Et maintenant, présentement, c'est toujours le futur. Antisocial, si je baisse mon falza, ce sera pour montrer mon cul à tous ces connards de passants. Y'a de la merde dans le tuyau, Porcherie. Des limiteurs dans les solos, Porcherie. C'est quand la mise à niveau, Porcherie. Je comprends plus rien, je n'ai plus de réseau, Porcherie. Y'a des rebeux qui votent effet, Porcherie. Dans certains bars, on parle de marine, Porcherie. Et dans d'autres, on parle baramine, Porcherie. Sans tu revenir le bruit et l'odeur, Porcherie. J'aime bien mon pote Jean, mais je n'aime pas tous les gens. Certains sont si bas du front que leurs paroles puent les pieds. J'aime bien l'apéro et j'aime bien le saucisson. Pourtant y'a des associations qui me font gerber. Mon voisin de palier soutient qu'il y a trop de sans-papiers, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Une des solutions serait de les expulser, bien entendu pour leur bien et dans de bonnes conditions. Moi je réponds à ce gros con d'arrêter de rêver. Quand il passe son temps à s'engraisser devant sa télé, y'a les trois quarts du monde qui sont en train de crever. Les gars ont grave la dalle, nous on a plein à bouffer. Ici on chie dans l'eau potable et on jette de la bouffe. On produit en masse pour bien se gaver. Que tu le veuilles ou non, il est ici le gâteau. Et pour toi tout seul, il est bien trop gros. Qui a piqué mon petit pain, Porcherie. Plus de halal dans les cantines, Porcherie. Dieu nous aime, Satan m'habite, Porcherie. Hier soir j'ai fini en croix, Porcherie. C'est des flics dans la vigie, Porcherie. On est en manque de vrais pirates, Porcherie. Avec mon voisin on ne s'aime pas, Porcherie. Et c'est bien ça qu'on attend de moi, Porcherie. Encore heureux que tous mes renois je peux les appeler négros. Encore heureux que tous mes négros peuvent me traiter de gaulois. Quand je croise Farid, je lui dis wesh rouya. Et quand je croise Gilou, je respecte toujours la coutume. Quand je rencontre Fatoumata, on se serre la main. Et quand je croise Djibril, je ne lui propose pas d'alcool. Je parle toujours de la Bretagne avec Mathia et Chica. Je parle toujours de Marseille avec Wapi et Kafra. Avec Jamalski, je parle en Walegen. Il me répond à côté et on se comprend bien. Quand Gégé me parle de mix, on comprend pas tout ce qu'il dit. Avec Roger Chanty, on parle de tout ce qui se dit. J'achète mes bières et mes feuilles chez un rebeu, mes clopes et mon loto chez un chinois. Les barrières c'est dans la tête et ça se désintègre. L'intégration c'est comme les juges, nique sa mère. Y'a de la cam dans les pharmacies, Porcherie. J'ai l'impression que l'OAN a grossi, Porcherie. J'bois trop de bière pour mon permis, Porcherie. En plus la weed c'est interdit, Porcherie. Tous shootés comme Charlie, Porcherie. Macron c'est pire que Sarkozy, Porcherie. N'oubliez pas Rémi Fraisse, Porcherie. Qui se souvient de Malik, où c'est qui? Yo, l'original Tomahawk, Digital Time, hey yo, Kafwa, Digital Warrior, Digital Style, yo, Digital Warrior, Digital Style, hey hey hey. Oui c'est digital, c'est la façon depuis long time. Oui c'est digital, dans les dos on veut des bonnes vibes. Oui c'est digital, si ça sent la beuh t'étonne pas. Ici tout le monde est faillant, tout le monde est sur la bonne voie. T'entends pas ou quoi, les gens veulent que la basse résonne. T'entends pas ou quoi, pour stopper la violence des hommes. T'entends pas ou quoi, on a la pression, on a le sérum. De la basse et de la weed, appelle ça digital storm. Appelle ça digital, digital storm. Fais l'écouter dans les dents, sous chope sur les plateformes. Cette ambiance est sans complexe, viens voir comment on performe. Tu sais que de Marseille à Angers, y'a des DJ hyper forts. Ils veulent du digital dans le sud, ils veulent du digital à l'est. Ils veulent du digital dans le nord, ils veulent du digital à l'ouest. On va leur donner, ils en auront pour leur monnaie. C'est le retour du digital, c'est fort comme le scotch bonnet. C'est le retour du digital dans les parties, leur a sonné. Si des votes étaient un peu sceptiques, ben t'inquiète, t'es pardonné. Ouais, donne pas la bonne instrumentale au mic, on va l'abonner. C'est digital, time de vrai, on les reconnaît. Faut trouver la bonne équipe, des bonnes vibes, après c'est juste automatique. Personne pourra modifier mon âme, ma vie, ma passion, ma zig. Un rythme efficace, non, je fais pas tant de drama. mathématiques. Avant d'écrire mes lyrics, bois la potion magique. Oui, c'est digital, c'est la façon depuis long time. Oui, c'est digital, dans les danses on veut des bonnes vibes. Oui, c'est digital, si ça sent la beuh, t'étonne pas. Ici tout le monde est faillable, tout le monde est sur la bonne voie. T'entends pas ou quoi? Les gens veulent que la basse résonne. T'entends pas ou quoi? Pour stopper la violence des hommes. T'entends pas ou quoi? On a la potion, on a le sérum. De la basse et de la weed, appelle ça digital storm. Oui, c'est digitalement, musicalement, on vient se poser. Cafra au contrôle, Thomas Walk revient causer. On a des milliers de choses à dire, ouais, des choses à revendiquer. Si comme moi t'aimes pas la police massive, allume ton briquet. Si comme moi t'aimes pas le gouvernement qui nous traite, le gouvernement qui nous gratte ouvertement, illégalement, brûle allègrement ces bombes là. On les brûle digitalement, un coup de basse et de clavier, mais évidemment le micro, mon sabre laser, donc je les découpe lyricalement. Digital warrior, digital style. Ragamuffin Thomas Walk vient brûler l'instrumental. Digital warrior, digital style. Cafra la prod, tous les sons voient d'étal. Oui, c'est digital. C'est la façon depuis long time. Oui, c'est digital, dans les danses on veut des bonnes vibes. Oui, c'est digital, si ça sent la beuh, t'étonne pas. Ici tout le monde est faillable, tout le monde est sur la bonne voie. T'entends pas ou quoi? Les gens veulent que la basse résonne. T'entends pas ou quoi? Pour stopper la violence des hommes. T'entends pas ou quoi? On a la potion, on a le sérum. De la basse et de la weed, appelle ça digital storm. Appelle ça digital storm. Appelle ça digital storm. Appelle ça digital storm. Appelle ça digital storm. Appelle ça Вот такой вот цифровой шторм от Томовока из Франции. Марсель Зулу Радио, Марсель Зулу Альянс для Нефтерадио и для Фрик Радио. Вот такой вот у нас радиомост, настоящий хип-хоп радиомост. Луганская Народная Республика, Республика Башкортостан и французы из Марселя. Продолжаем отжигать в ритме Ragamuffin Hip Hop. Ты услышал это первым здесь и больше нигде. Поверь, что касается России, то мы первые. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Lumpy Jim on the mic again. Big Redim, Method Cafra, MZ la production. Ouais ouais. Ouais bandit. Home by the bang, home by the bang, home by the bang. Lumpy Jim revient, come back, come again. Home by the bang, home by the bang, home by the bang. Viens plutôt danser, oublie tes problèmes. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people c'est danser. Whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people c'est whiner. Danser. Que ce soit à Bruxelles ou Paris, skelly people veut c'est bouger son body. Oui, tous les Zébreda aux quatre coins du pays, on veut whiner danser. C'est pour oublier les soucis. Un bouche ceinture tout là-haut chez les ch'tis. À Marseille on gigote le tafanari. On remue le bonda à Guada, à Madinina. Même dans les pays du Maghreb on bouge en tarma. Ouais roule ton der, j'fais claquer ton popotin. J'te tends la perche ce soir, il faut se mettre bien. Secoue ton boule, fais dérailler l'arrière-train. Va falloir trémousser le panier jusqu'au matin. Et tu cries pull up, pull up. Tu ne veux plus t'arrêter, ouais ça fait mash-up, mash-up. Quand les DJ sont lancés, pull up, pull up. Oui tu remue ton fessier, ça fait c'est mash-up, mash-up. Ouais vas-y bouge le tarpé. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people c'est danser, whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people c'est whiner. Oh oui c'est bouge ton body. Tous tes problèmes faut les oublier cette nuit. Redis la tête pour montrer que t'es en vie. En attendant profite car c'est pas fini. Non. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people c'est danser, whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est danser. Skelly people veut, skelly people veut, skelly people c'est whiner. Skelly people veut, skelly people c'est whiner. Bouge ton corps. N'aie pas peur, hein. Encore et encore du sang à ta main à n'importe quelle heure sensuelle ou hardcore, mais toujours de bonne humeur. Pas besoin d'effort si t'es un whiner à l'heure. Waltel, un scarlat, tu branches les demoiselles. Well, c'est vrai que ce soir il y en a de très très belles, surtout quand elles ondulent sur ce rythme immortel. Le choc des coffres et des étincelles. Dans la place de l'Ova, y'en a pour à l'appel. Well, pour que tout le monde se lâche, je lance cet appel. Well, pour que tout le monde whine, que la soirée soit belle. C'est pour tous que sur le mic je reviens de plus belle. Ça fait faut whiner, l'ambit tu mets dans la portée. Faut whiner, méthode des cafras aussi. Faut whiner, MZ Afro, tu l'as compris. Faut whiner, faut whiner, faut whiner. Ce que les people veulent, ce que les people veulent, ce que les people c'est danser. Ce que les people veulent, ce que les people veulent, ce que les people c'est whiner. Ce que les people veulent, ce que les people veulent, ce que les people c'est danser. Ce que les people veulent, ce que les people c'est danser. Whiner. Ce que les people veulent, ce que les people veulent, ce que les people c'est whiner. Ce que les people veulent, ce que les people veulent, ce que les people c'est danser. Ce que les people veulent, ce que les people veulent, ce que les people c'est whiner. Ce que les people veulent, ce que les people c'est whiner. Nation 18 lyrics non stop. Cause this a one of them, let them talk. All them a chat. Them not ready for the big tear back. Yo. So what? Let them talk, let them talk, let them go on mad. Let them chat, let them chat, let them go on. Hit name, let them talk on better, let them go on mad. Let them chat, let them chat, let them go on mad. From the roots to the top. Lapa lapa more one slap, them a flap. Too much of them, on better let them chat. Chatty chatty mouth, one chant, them a chop. Chow, let them talk, let them talk, let them go on mad. Let them chat, let them chat, let them go on. Hit name, let them talk on better, let them go on mad. Let them chat, let them chat, let them go on mad. Some a go on mad just because them feel sad. Them choose the wrong track and start fitting bad. You know why them a always blame another lad. You know why some a blame the almighty father. Brother like he's like a rapper, do the last clapper. Hip it to the hopper and you just don't stop it. It's like a sea of proper, sea of a rain dropper. Them a go on mad, some of them a set a trap. Let them talk, let them talk, let them go on mad. Let them chat, let them chat, let them go on. Hit name, let them talk on. Better let them go on mad. Let them chat, let them go on mad. Nice try, now it's mine. Let me find one of a kind of me time to shine. Cross the line, feel me, feel it so divine. It's like a fan, me feel so fine. See the girl, them show them signs. 6, 7, 8, 9, girl, bubble and wine. And let them talk. Ну что ж, ребята из Франции прокачивают на одном дыхании, в одном ритме. Я даже не чувствую переходов от одного трека в другом. Такой вот ритм, самый настоящий Rock'n'Muffin Style на Нефтерадио. Специальный репрезент из Марселя. Вы услышали это первыми здесь и сейчас и нигде больше, поверьте. Ну разве что только на марсельском Зулу Радио вы еще можете слушать эту музыку. И больше нигде в России. Мы первые, из первых рук, поверьте, самые эксклюзивы от Marcel Zulu Radio поступают на Нефтерадио и на Фрик Радио, и этот наш радиомост будет продолжаться. Напомню, где можно нас услышать: нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com и в социальных сетях Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, Telegram. Вбивайте Freak Radio с Q на конце. Freak с Q на конце. Слушаем дальше. Пупа Арсей. Чати-чати-чати. Это Марсель, детка. Rock'n'Muffin Style. Refrain et toujours à la bien, cousin. Jamais en peine, j'arrive en bonus. La navette c'est pas encrypté comme Canal Plus. Pour pas en cesse le micro, reviens faire un focus sur un sujet qui ne mérite aucun consensus. Chatty chatty mouth. Oh non, je n'aime pas les chatty chatty mouth. Mais en même temps, qui aime les chatty chatty mouth? En blé blé blé blé blé chatty chatty mouth. loud. Chatty chatty mouth. Oh non, je n'aime pas les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. En blé blé blé les chatty chatty mouth. Loud. Laisse-moi te parler de ces individus dangereux. Pour qui flinguer la vie des autres est devenu un jeu. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'écraser pour briller. Arrivistes de naissance, égoïstes formatés. Ils ont une gueule énorme, ils font toujours du foin. Mais quand les blèmes arrivent, ils sont déjà loin. Méfie-toi jeune fille, méfie-toi jeune homme. Les chatty chatty, c'est comme ça qu'on les nomme. Chatty chatty mouth. Non je n'aime pas les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. En blé blé blé blé les chatty chatty mouth. Loud. Chatty chatty mouth. Oh non je n'aime pas les chatty chatty mouth. En blé blé blé blé les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. Loud. Si j'arrive un peu venir sur le mic aujourd'hui, c'est pour venir te parler des chatty chatty. Car qui que tu sois et quoi que t'aies dit, il y en a toujours un pour te pourrir la vie. Ils bavent sur ton cul et mangent chez toi le midi. Ils te taillent même devant tes meilleurs amis. S'il a besoin d'un truc, il t'appellera mon ami. Une fois terminé, tu n'auras plus de nouvelles de lui. Car chatty chatty mouth. Non je n'aime pas les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. Les chatty chatty mouth. Loud. Chatty chatty mouth. Non je n'aime pas les chatty chatty mouth. Les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. Loud. Ils peuvent pas s'empêcher de cracher sur tout le monde. De marcher sur la gueule des autres, c'est vraiment immonde. S'ils pouvaient les tuer, n'hésiteraient pas une seconde. À chaque fois que j'en croise un, te jure la colère gronde. Chatty, cesse de cracher ton venin. Chatty, travaille plutôt en équipe. Chatty, ne la joue pas malsain. Chatty, essaie d'avoir des principes. Chatty, chatty mouth. Non je n'aime pas les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. En bleu les chatty chatty mouth. Love. Chatty chatty mouth. Non je n'aime pas les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. En bleu les chatty chatty mouth. Loud, chatty chatty mouth. Oh non je n'aime pas les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. En blé chatty chatty mouth. Loud, jamais en peine, j'arrive en bonus. Dans la veine c'est pas encrypté comme Canal Plus. Pour balancer sur le micro reviens faire un focus sur un sujet qui ne mérite aucun consensus. Chatty chatty mouth. Oh non je n'aime pas les chatty chatty mouth. Mais en même temps qui aime les chatty chatty mouth. En blé chatty mouth. Loud. Yeah. Amusé. Original. MZ a passé. Pour balancer sur le mic. Booma. Yama. Chatty. Original style. Official green white and vast style. DJ Kappa. Booma. MZ. Roughneck. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Parce que ma gosse malgré cet environnement féroce, je croque la vie à pleines dents. Et les cases qui m'intéressent, je décoche. Je m'attache à faire en sorte que mon... Не только из виртуальной студии УГНТУ, опорного вуза России, но и из Луганской Народной Республики, из города на линии фронта, из Кировска, вещает Mixmaster Freak для вас, друзья. И мы продолжаем музыкальные презентации. У нас для вас есть Original Ragamuffin Style from Marseille. Из Марселя, для тех, кто любит Ragamuffin хип-хоп стиль, мы продолжаем прокачиваться. Дальше у нас D-Way с музыкальной композицией My Sepulet. У меня не очень хорошо с французским, а вот у этих ребят с ним все в порядке, особенно в стиле Ragamuffin, они прокачивают здорово. J'roule ma bosse comme un gosse malgré cet environnement féroce. Je croque la vie à pleines dents et les cases qui m'intéressent je décoche. Je m'attache à faire en sorte que mon karma ricoche des brouillards. Je profiterai de la vie jusqu'à ce que la mort ne me voie. J'roule ma bosse, mes gosses sont dans l'environnement féroce. Je croque la vie à pleines dents et les cases qui m'intéressent je décoche. décoche. Je m'attache à faire en sorte que mon karma ricoche. Débrouillard, je saurais profiter jusqu'au moment d'avancer là à gauche. Avance au feeling, pendant que de partout le boy sa copine boycotte les imposteurs et leur fucking comptine. Dans l'amour bon je vois tellement d'amour d'amis qui sa coquine. En ce qui me concerne je ne rentre pas dans type de combine. Pendant ce temps je travaille sans relâche des rimes, j'en magazine. Je ramène mes punchlines assassines, je rends hommage à mes racines. Mon style est sincère, je le décline, quelle que soit la sélection, jamais je ne m'incline. Dans la kiffance ultime, entouré de mes amis et de mes proches, le beat je calcine. When I rock the man à microphone, je ne fais pas crispin. Je sais d'où je viens, où je vais, je connais mes origines. Je reste attentif aux signes, hey hey. Militant pour combattre un statu quo plus qu'inadéquat. On amène à la réflexion, les fidèles faut que top les bamboclates. On évite de tomber dans les sales business, Selecta donne un son fun. Chez moi pas de hic, pas de mic, pas de mic, pas de mic, mic. Je roule ma bosse comme un gosse malgré cet environnement féroce. Je croque la vie à pleine dents et les casques qui m'intéressent je décoche. Je m'attache à faire en sorte que mon karma ricoche. Débrouillard, je profiterai de la vie jusqu'à ce que la mort ne me voie. Je roule ma bosse, mes gosses sortent dans l'environnement féroce. Je croque la vie à pleine dents et les casques qui m'intéressent je décoche. Je m'attache à faire en sorte que mon karma ricoche. Débrouillard, je saurais profiter jusqu'au moment d'avancer l'arme à gauche. Je prends la main à Mac, prends la main à Mac, prends la main à Mac. Je prends le mic en toute saison, dis-toi que je pose mes marques, Mac. Prends la main à Mac, prends la main à Mac, prends la main à Mac. Je prends le mic pour courber les bacs, on a plus d'une corde à nos sacs. J'n'ai pas la recette miracle pour stimuler les intellects. Dans le monde dans lequel on vit, je m'applique, mais j'fais bellec. Un dance dans la dicta qui on a dit you well comme dans la secta. Tombé dans la marmite, maintenant j'm'en délecte. Je prospère calmement, posément. Hey, oui, parmi les éléments, donne du love à tous ceux qui se mettent en mouvement. Avec le cœur, y'a pas d'éboliment. Impliqué activement ou bien modérément. Je prends les vélos, point de ralliement. Je vois les vibrations comme des aliments. Je fais mes affaires poliment. Y'a son se comporte comme des animaux. Rivalise à balle pour l'animal. On fait sur le week-end pour s'appeler la semaine quitte à finir dans le caniveau. Demande-toi à quel moment on va s'extirper de ce bas niveau. Les deux qui sont pas à demi-mot sur l'identité de nos frères rivaux. Roule ma bosse comme un gosse malgré cet environnement féroce. Je croque la vie à pleine dents et les casques qui m'intéressent, je décoche. Je m'attache à faire en sorte que mon karma ricoche. Débrouillard, je profiterai de la vie jusqu'à ce que la mort ne me voie. Je roule ma bosse, mes gosses sortent dans l'environnement féroce. Je croque la vie à pleine dents et les casques qui m'intéressent, je décoche. Je m'attache à faire en sorte que mon karma ricoche. Débrouillard, je saurai profiter jusqu'au moment d'avancer l'arme à gauche. All time something come back again. Now respect to the MZ family. Écoute ce lyrics de l'homme qu'on appelle Popa Ditsy. Dans les 80s Clément Harry te parlait de spreading style. Maintenant Popa Ditsy revient avec le GPL style. Land of mercy. Ma naturelle, moi j'appelle là des lyrics à l'appel. Ma naturelle, moi j'appelle là des lyrics à l'appel. So, avec un style toujours sensationnel. Avec une vibe toujours exceptionnelle. J'avance sans m'arrêter avec le MIC. Je suis clair, net, président monté au PIC. Pour écrire une bonne tune, munis-toi du style BIC. MZA Records, Azema, CLISC. Le gouvernement est champion du TRAFIC. Il est plus meurtrier K-R-S-E-N-I-C. J'appelle Hill, droite, tel à I-T-M-A-C. Outil social, fait-on M-A-S-T-I-C. Respect R-A-W-G-A-S-O-N-I-C. On devient populaire chez le P-U-B-L-I-C. Plein d'auditeurs ont eu le D-E-C-L-I-C. Découverte des sons de fini, les J-T-O-N-I-C. On voit le ragamuffin, le drapeau, je viens hisser. On veut tous quoi? Une belle France métissée. Une technique incroyable, maintenant je viens esquisser. Un son de bois était son petit titi, vas-y laisse pisser. Mon naturel, moi j'appelle là des lyrics à l'appel. Mon naturel, moi j'appelle là des lyrics à l'appel. So, avec un style toujours sensationnel, eh eh. Avec une vibe toujours exceptionnelle. Carlsen et le mec de Dieu de CHEC. J'aime pas les S-A-L-A-M-A-L-E-E-C. Envoie tes faces, mais on ready M-P-E-C. Oublie le pipeau et la flûte à B-R-E-E-C. Pas besoin de sortir d'économie HEC. J'peux faire pareil en freestyle, appuie sur REC. La démocratie fut créée par un GREC. Trop de woman slash ou PETESEC. J'peux faire les PC au MAC. J'aime pas la police, les gendarmes ni la BAC. J'écris plus de fiction que BALZAC. Poisson, c'est mon signe du ZODIAC. Quand j'commence à tchatcher, tu n'en as jamais assez. Au frangin, au frangin, c'est traqué dédicacé. Il faut rester à la page et ne pas être dépassé. On m'appelle Ranking, impossible de me déclasser. Hey hey, hey hey, pas me lever les bandes qui dingue. Hey hey, hey hey, so what a damn ding. Hey hey, hey hey, pas me lever les bandes qui dingue. Land of mercy. Mon naturel, moi j'appelle là des lyrics à l'appel. Mon naturel, moi j'appelle là des lyrics à l'appel. So, avec un style toujours sensationnel. Hey hey, avec une vibe toujours exceptionnelle. Booba, son surnom c'est le D-U-C. Le reggae music, ça c'est mon T-R-U-E-C. Pour relier clairement à B-G, prends le V-I-A-D-U-E-C. Je reste actue, jamais c'est A-D-U-E-C. Heureusement que sur ma caisse, y'a un passé, y'a chaussé. Je n'ai pas que du gros, rien n'est en D-U-E-C. DJ, 100%. héros sans quoi pénation, on va rosser de la tête aux pieds en passant par le FROC. On m'accuse d'un truc, faut je n'y en paie, LOC. Reste solide, auteur M-A-S-T-O-C. Run, fuck, pas y'en paie, L-A-S-T-O-C. Quand y'avait pas de cash, on faisait du TROC. Souvent en fin de session, on finit qu'à bosser. Alors attention à la marée-chaussée. Le niveau général, nous on chante pour le rehausser. Tu veux du spectacle, ton souhait, on vient l'exaucer. Mon naturel, moi j'appelle là des lyrics à l'appel. Mon naturel, moi j'appelle là des lyrics à l'appel. So, avec un style toujours sensationnel. Hey, avec une vibe toujours exceptionnelle. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. General, I'm missing nobody that die. If you bad a general, I go and sound boy funeral. Bad a general, I you nobody that die. Bad a general, I go and sound boy funeral. Out of that volcano, fresh like ice cube. Hustle in a plane, now me jump with parachute. Every bad girl, I move the body, all abide by proof. Shot in the air, I young gun well cute. Baddest producer, them on me country. Must him them come and them feel airy. All the hardy can see and everybody can see us. Step up in a dancer with me, new Doremi. Cocaine on the corner, fit the JBC. Missile in the yacht, police can't chase me. Me can't bust him out of me, busting on the feet. On the street, on the streets, where the youth them a bleed. General up on the rhythm, just can never get defeat. Bad at the general, nobody that all. If you bad at general, I go and talk by funeral. Bad at the general, nobody that all. If you bad at general, I go and talk by funeral. Who not care about the man who care for the garbage bin? Me and sit up on the rhythm like terrorist funneling. Righteousness, John, now said the youth, them a win. Spanish government, we a go kick your outer ring. Everybody now say, oh, angry, I start scream. Bread in them a lock, now you look like a teen. Man to man, so unjust, them fi now not drink lean. Gunshot from the Met, say the wall, it a fi clean. Spain is a face still. When I watch the beat, just they call me brave. This situation I make all eruption. Wall of politician, them a move like a snake. Spain is a face still. When we watch the beat, just they call me brave. This situation I make all eruption. Wall of politician, them a move like a snake. Bad at the general, nobody that all. If you bad at general, I go and talk by funeral. Bad at the general, nobody that all. If you bad at general, I go and talk by funeral. You bad a general, I go and talk by funeral. Bad at the general, nobody that all. If you bad a general, I go and talk by funeral. Me mama used to tell me when I was a little child. Lion hear me now, must be wicked and a wild. Pussy can a rampa with the Catalan style. Can't test, we kill them son for a while. John know them coward, all I must get defeat. But my with me tongue, I should have give no trick. Hear me no man, I fi put it in a repeat. Lord have mercy. Should I give, not trick. This shape and this session, I fi put in a repeat. Should I give, not trick. DJ in a session, should I put in a repeat. Should I give, not trick. DJ in a session, should I put in a repeat. Should I give, not trick. Lord. свиной ридим или свинячий ридим, называйте как угодно, но все это вы слушаете сегодня на Нефтерадио и на Фрик Радио. Друзья, мир вам, говорит вся команда Марсель Зулу, Марсель Зулу Альянс и Марсель Зулу Радио. Это хип-хоп банда, вот, хип-хоп тусовка, хип-хоп комьюнити из Марселя, соответственно, из Франции. Они надеются, что у вас все хорошо и все идет как надо. У вас пишут они нам свои летние новости и передали на Нефтерадио вот такую вот информацию. Лето — это всегда напряженный период для команды MZA, что значит Марсель Зулу Альянс. Вечеринки, концерты, мероприятия. Судя по всему, коронавирус уже не так атакует Францию, поэтому ребята возвращаются к работе по поводу хип-хоп тусовочек, но в последнее время, смотрю, они также и онлайн активно также делали тусовки. Так вот, ребята не останавливаются, они с гордостью представляют вам два больших релиза этого лета. Совершенно новый альбом Pig Rhythm от Kafra и Street Tape The Shalom, а также Fresh Cut, второй альбом. Вот, что можно сказать по поводу этого всего? Pig Rhythm, здесь интересная обложка, мне понравилась. Горит здание, судя по всему, горит город, весь в пожаре, летит туалетная бумага, судя по всему, это беспорядки по поводу COVID-19, да, ну, туалетная бумага, я думаю, актуальна, да, и на фоне всего этого пожара и летящей туалетной бумаги-то два рулона там вылетели из коробка поросенка, который усатый такой, с цилиндром, с сигарой в зубах и с мешком баксов, да. Вот, и еще у него мешок с продуктами, да, такой типичный, как в американских фильмах, да, там картонный, ну, или бумажный пакет, в общем, да, из магазина. Этот свин, в общем, украл деньги, себе нагреб кучу всего в маркете и бегит, а на фоне бушующая толпа, которая просто уничтожает город, идут массовые беспорядки. Ну, это ассоциации, которые у меня возникли с этой картинкой. Друзья, здесь 10 треков, Method MC, Riot называется песня первая, потом Mr. Sammy, дальше Tomahawk, Lord Bitum, Mesh M18, Pupa Orsay, D-Way, Rankin Dixie, QKP и Kafra Method MC. Из всех этих вот людей я был знаком только с творчеством Tomahawk, а также Pupa Orsay и Kafra. А почему? Потому как Марсель Зулу Альянс сбрасывали треки и альбомы этих людей, а также лайв-шоу, то бишь выступления, которые они делали, вечеринки, вот, живые, да, выступления. Все это можно было слышать ранее на Фрик Радио и на Нефтерадио. Друзья, если вы пропустили эту часть, то еще услышите обязательно, либо можете вернуться к этой музыке и прослушать отдельно в свободное время. Заходите на freakradio.blogspot.com, окунетесь в историю именно французского рагамаффин стайла, и не только во Франции очень много хорошего хип-хопа, друзья, а потому как Франция вторая страна, которая вот после, да, черных кварталов Нью-Йорка вот попала в списки именно хип-хопа, именно оттуда, да, из Бронкса, из Гарлема, из Бруклина, в общем, из всех пяти бороу Нью-Йорка отправились хип-хоп пионеры, да, ну тогда они были просто молодчиками, юными совсем еще подростками, которые понесли хип-хоп сообщение по планете Земля, и следующая их остановка после черного гетто, вот, Нью-Йорка, оказался Манхэттен, да, все знаем те батлы Dynamic Rockers и Rocksteady Crew, да, которые потом показали по телевидению, началась, в общем, эта кашка, заварилась. Ну, а именно что касается, когда уже вышло не только за границы черного гетто, да, в массы, но и за границы Соединенных Штатов Америки, вот, да, Северной Америки, проникли уже непосредственно ребята во Францию, и понеслось, хип-хоп полетел, да, как тот летели лепесток через север на восток, через запад и на юг, да. Так вот, мы продолжаем знакомиться с творчеством французской хип-хоп-сцены и рагамаффин-стайла, в частности, написано, что графику делал Ле Дон Бижетер, он, кстати, и отвечает за плейлисты на Марсель Зулу Радио, и поэтому он нас и снабжает этой вот хорошей музыкой. Вот, а послушать можно у нас в радиоэфирах. Мы обязательно будем ставить повторы, либо можете зайти на Bandcamp Marcel Zulu Alliance. Все ссылочки приложены на freakradio.blogspot.com. Вот, я эту ссылочку опубликую и в нашем чате нефтерадио.онлайн, чтобы вы могли пользоваться этой информацией, друзья. Там есть все контакты и французской радиостанции, которая с нами сотрудничает. Также их контакты, gmail-овский ящик, с которого и отправляют нам из Франции вот в Луганскую Народную Республику эту музыку, с которой мы делимся вместе с вами, со всем миром, а также с Уфой, с Республикой Башкортостан. Вот спасибо Патрику, который замутил всю эту тему по поводу радиомоста, и очень здорово, что мы можем обмениваться вот таким вот хип-хопом. Друзья, будет у нас и русский хип-хоп с вами, и французский, и немецкий, и африканский, и японский, и, в общем, разные страны, континенты сотрудничают с нами и присылают свою музыку, и мы будем, естественно, делиться ей с вами, друзья. И второй релиз, о котором я уже начал говорить, вот, этим летом от Marcel Zulu Alliance, это Street Tape, уличная кассета, так она называется, она, кстати, в свободном доступе, Original Shalom и DJ Fresh Cut, вот, не знаю ничего об этих ребятах, кто они, что они, буду спрашивать еще и узнавать у ребят из Марселя. Да, но, судя по картинке, это настоящий хип-хоп, потому как здесь сохранены все его элементы, в частности, диджейнг, да, здесь пластиночку можно увидеть, чем-то смахивает она на пластинке мелодия, потому что красное яблочко в середине. Там же шелом на сцене, потому у него, почему думаю, что шелом, потому что написано на спине у человека в кепке «назад», вот, и написано на кофте «шелом». Ну а Fresh Cut — это, наверное, диджей, который в наушниках стоит и вот с этой пластиночкой крутит ее. Впереди сцена, мониторы, и там куча народу на фоне, вот они там просто прокачиваются. И Original Shalom написано by DJ Fresh Cut, да, и все это в таком стиле граффити. Нарисовано, написано тексты от Шелома, скретчи от DJ Fresh Cut. Вот, дальше что-то на французском не понимаю. Миксом, то бишь микшированием этого всего занимался, судя по всему, какой-то Ромарик Норманд, а также DJ Кафра. А может быть, это одно и то же лицо. Так, арт-дизайном занимался какой-то Натас, это Калашнико. Треки 1.5.6 Lions Rhythm, второй Manu Digital, четвертый Shanty Town, и восьмой Junior Махно, и третий DED Records, а также седьмой написано, что делал какой-то он хип-хоп ремикс Once La Donne. Не знаю, что дальше написано по-французски. Merci, Ox, Satins, Passes, Presents, Et Futurs. Короче, если вы знаете французский, то переведите и напишите нам на Freak Radio, друзья, и либо на Нефти Радио. Это, в принципе, практически одно и то же, потому что мы мутим радиомост в режиме лайф, онлайн, в общем, называйте как хотите, но мы строим радиомост из Республики Башкортостан в Луганскую Народную Республику и обратно, и все это пересылается на все четыре стороны света, на все континенты планеты Земля, друзья. Так вот, контакты нефтерадио.онлайн, там есть чат, можете туда написать, что же написано на обложке Original Shalom и DJ Fresh Cut. Ее можно найти на freakradio.blogspot.com, но также я ее опубликую в нашем чате Нефтерадио, друзья, поэтому если знаете французский, то поделитесь и расскажите, что же там написано, если вы вот соображаете по-французски. Ну, а мы поехали дальше слушать Pigridim, это уже будет последний трек, он такой более инструментальный, судя по всему. Вот, и переходим уже непосредственно к Original Shalom и DJ Fresh Cut. Ну что ж, слушаем, что же там на той стороне планеты Земля подготовили для нас эти хип-хоп-активисты из Марсель Зулу Альянс. Peace, yo! Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Kimono, le katana dans mon dos. Je vois le combat d'un combo qui met dans le coma dès l'intro. Kamikaze du tempo, s'entraîne à la tempo. J'ai forgé mes tibias, maintenant tapons sur des poteaux. Prise vocale d'aïkido. Это уже, друзья, более такой живой хип-хоп, не рагамаффин, а больше именно рэпчина. Называется музыкальная композиция «Самурай». J'ai des cousins yakuza chez qui ta tête est mise à prix. Qui découpent des petits doigts plus vite qu'on découpe un sushi. Mais des cousins d'Asie sans visa qui possèdent tellement de sosies qu'on différencie pas la nuit tous les yakuza sont lui. La voix du samouraï in a system sound qui défonce comme le Muay Thai comme une bouffée d'opium. La voix du samouraï original Shigo. La voix du samouraï in a system sound qui défonce comme le Muay Thai comme une bouffée d'opium. La voix du samouraï original Shigo. C'est Shilom le ninja du clan des insoumis, recruté par les syndicats pour tous les crimes que j'ai commis. Je deal avec la mafia, j'organise des paris, j'ai des comptables et des avocats pour éviter les ennuis. Écran plat, dernier cri, pour te clé Tamagotchi. Mes entrepôts sont remplis de contrefaçons moitié prix. J'ai des restos sur Paris, des labos, des blanchisseries. Je te raquais des euros pour ton assurance vie. La voix du samouraï in a system sound, qui défonce comme le Muay Thai, comme une bouffée d'opium. La voix du samouraï original Shilom. La bombe d'Hiroshima tira dit comme à Nagasaki, comme à Fukushima juste après le tsunami. J'atomise Orion Gamma, ceux qui montent sur le tatami. J'ai plié Godzilla comme de l'origami. Comme Sega, Shilom est plus fort que toi. J'ai la puissance de feu du chevalier d'Athéna. Comme Cobra, greffé d'un rayon Delta. Shilom, tu carbonises comme Gon dans Tekken 3. La voix du samouraï in a system sound, qui défonce comme le Muay Thai, comme une bouffée d'opium. La voix du samouraï original Shilom. La voix du samouraï in a system sound, qui défonce comme le Muay Thai, comme une bouffée d'opium. La voix du samouraï original Shilom. Quand j'attaque j'ai pas de gants mais du verre pilé sur des pansements. Tétanisé tes sens comme quel le survivant. Je maîtrise les éléments, la rage du volcan. Ma la colère du dragon, ma inverse le cours du torrent. Kung Fu style ici c'est Kung Fu style. Shilom en freestyle t'éclate avec pas d'un éventail. Kung Fu style ici c'est Kung Fu style. Je rallume le slip de taille sous mon chapeau de paille. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Tu peux courir, c'est comme un électrochoc, man après qui tu peux mourir. Comme une paire de menottes, elle t'accroche en un sourire. Je connais pas d'antidote contre le poison du désir. Avec elle, c'est du délire, du 100% plaisir. Elle t'arrache ton slip, man avant le temps qu'il faut pour le dire. Elle se tape un trip, elle se tape un mec, elle se tape des bons souvenirs. Comme un slip, comme un bête quand elle ne peut pas dormir. Elle est décomplexée, sans problème de libido. Elle est bien décidée, man avant son truc comme il faut. Complètement dépoupée, sans être fan de porno. Elle aime se laisser aller quand elle est un peu libido. Elle est décomplexée, sans problème de libido. Bien décidé, mais d'avant son pied comme il faut. Complètement déroulé, sans cette femme de porno. Elle aime se laisser aller quand elle grimpe au rideau. Elle légale, illégale, elle légalise l'adultère. Elle est célibataire. Elle est dominée, dominée par les flammes de l'enfer. Croquer du fruit défendu n'est plus un péché de chair. Je lève mon verre, dédicace sévère à tous les... Ну вот и снова возвращаемся от рэпчины к Ragamuffin стайлу, Эль Оригинал Шилом, разнообразный хип-хоп, Ragamuffin и рэп. Sexy Girl называется эта тема, ну, наверное, может быть, это girl имеется в виду по-французски girl. Я не знаю французский, если вы знаете французский, то эта тема точно для вас, но она и для меня, потому как я люблю хип-хоп, а хип-хоп любит меня. Donne à la bande son pied comme il faut. Complètement dégoûté, sans cette femme de porno. Elle aime se laisser aller quand elle grimpe au rideau. Madame, mademoiselle se fait la belle à la fin du bal. Ton cœur s'emballe à peine que la bête s'est déjà fait la malle. Madame, mademoiselle est infidèle et c'est normal. C'est comme ça depuis qu'elle s'est fait plaquer par un mal. Woman a woman a woman original. Tellement spéciale qu'elle provoque le scandale. Woman a woman a woman a sexy gal. Elle est pas sentimentale, elle t'appelle quand elle a la dalle. Dis donc, c'était pas une soirée cochonne au moins? Ah mais c'est pour ça que tu voulais pas nous emmener. Ah mais cocotte, on a de drôles d'idées dans vos petites têtes. Pas moi, c'est ma copine. Et alors? Oh, est-ce que c'était bien? C'est bon. De toute façon c'était clair, c'était écrit dès le départ. C'était une fille de l'air, non c'était une fille d'un soir. Fallait courir derrière, tout le matin jusque tard. Même si tu sais y faire, non même si t'assures au plus marre. De toute façon c'était clair, c'était écrit dès le départ. C'était une fille de l'air, non c'était une fille d'un soir. Fallait courir derrière, tout le matin jusque tard. Même si tu sais y faire, non même si t'assures au plus marre. Elle est décomplexée, sans problème de libido. Elle est bien décidée, mais la bonne santé comme il faut. Complètement débridée, sans attendre de morbo. Elle aime se laisser aller quand elle grimpe au rideau. Elle est décomplexée. comme il faut. Quand elle prend de tout vœu, c'est cette femme de corps beau. Elle aime se laisser aller quand elle craint au rideau. Elle aime les hommes, elle aime les love, elle love les gens humains. Elle aime les hommes, elle aime les love, elle love again and again. Elle aime les hommes, elle aime les love, elle love les gens humains. Elle aime les hommes, elle aime les love, elle love again and again. Это уже такая более спокойная тема, но она тоже очень кочевая и очень рыдимая. Passe des cartes trafiquées, tromper la vérité, la réalité travestie. C'est la fin du bal masqué, tu peux ranger ta panoplie. On lève le vol, on déboule, on déballe, on étale la totale. On veut l'original, du naturel, en intégral, sensationnel ou normal. Phénoménal ou banal, au journal officiel, manon râle à l'oral et déballe le réel. Mais pas d'artificiel. C'est ma source, c'est mon âme, c'est mon sang, c'est ma source. Ma vérité si je mens, c'est ma source. C'est de la pure à 100%. C'est pas des déboliments, non, moi ça je t'en fais le serment. C'est ma source, c'est mon âme, c'est mon sang, c'est ma source. Ma vérité si je mens, c'est ma source. C'est de la pure à 100%. C'est pas des déboliments, non, moi ça je t'en fais le serment. Madame. C'est pas facile à dire, pas facile de l'ouvrir. T'as blindé ton armure et c'est difficile d'en sortir. Y'a tant de choses à dire pour éviter le pire. T'as le poids d'une enclume à chacun de tes soupirs. T'as qu'à prendre ta plume pour éviter d'en finir. Mal crier sous la lune. On va chasser les vampires, on va changer les dunes du désert en désir. Je cherche fortune et je garde le sourire. C'est ma source, c'est mon âme, c'est mon sang, c'est ma source. Ma vérité si je mens, c'est ma source. C'est de la pure à 100%. C'est pas des déboliments, non moi ça je t'en fais le serment. C'est ma source, c'est mon âme, c'est mon sang, c'est ma source. Ma vérité si je mens, c'est ma source. C'est de la pure à 100%. C'est pas des déboliments, non, moi ça je t'en fais le serment. Продолжаем слушать летние релизы от Marcel Zulu Альянс и Marcel Zulu Radio, друзья. Это Pig Rhythm, а также El Original Shalom by Fresh Cuts. Слушаем. T'inquiète, c'est l'alarme sonne, c'est qu'on a pété l'antivol. Ras-le-bol de leur distribution d'opium. À 20h au journal, tu prends ta pilule et mon somme. Y'a pas de représentant, si t'as moins de 18 ans. Y'a pas de représentant, si t'as pas de taf et pas d'argent. Y'a pas de représentant dans leur gouvernement. Pas de négociation, non, non, y'a pas de parlement. Pas de représentant tant que tu peux pas voter blanc. Obligé d'accepter des guignols depuis trop longtemps. Y'a pas de représentant quand c'est blanc, bonnet blanc. Je reprends la parole et je la donne au suivant. Pense que la France voit dépense des sommes phénoménales. Y'en a plus dans l'armement que dans la recherche mais les médicales. Les plus gros trafiquants à l'Assemblée Nationale. Des magouilles, des scandales, secrets d'intérêt général. J'invite tous les massifs Rayman à répondre à l'appel. Des serrés, des gencives, sortez les décibels. Car le coupable authentique, on a pris belle main dans le sac. À l'immunité politique sur la gauche comme à droite. Je prends la parole et j'attends pas qu'on me la donne. T'inquiète si l'alarme sonne, c'est qu'on a pété l'antivol. Ras-le-bol pour nous endormir au Valium. À 20h au journal, consommation bonne maximum. Je prends la parole et j'attends pas qu'on me la donne. T'inquiète si l'alarme sonne, c'est qu'on a pété l'antivol. Ras-le-bol de leur distribution d'opium. À 20h au journal, tu prends ta pilule et mon somme. Mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. Ras-le-bol, j'ai la tête dans un bocal, le cerveau dans du formol. Par la presse à scandale et les magazines people. Aliéné ma télé, ne m'a dégoté ma camisole. Oh, oh, oh. Et ras-le-bol de la réalité filmée par en démol. Du tube des décombres dans tête de gondole. Des comédies musicales universelles sont monopole. Oh, oh, oh. Dobre don don don, dobre don, plus de son. Dobre don don don, plus de bonnes vibrations. Donne-moi ta vision, ou quelle est ta position? Laisse-moi profiter de ma liberté d'expression. Donne, donne, donne plus de volume, plus de son. Donne-moi ton avis sur la situation. Donne-moi ta version, ou quelle est ton opinion? Pour que jamais, plus jamais, personne ne parle en ton nom. Je prends la parole et j'attends pas qu'on me la donne. T'inquiète si l'alarme sonne, c'est qu'on a pété l'antivol. Ras-le-bol de nous endormir au Valium. À 20h au journal, consommation mais le maximum. Je prends la parole et j'attends pas qu'on me la donne. T'inquiète si l'alarme sonne, c'est qu'on a pété l'antivol. Ras-le-bol de leur distribution d'opium. À 20h au journal, tu prends ta pilule et mon somme. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Ganja Muffin, именно так называется следующий трек от El Original Shalom. Это Марсель, детка, нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. Ищите нас именно там. Danser la flamme, mais danser la flamme. Ouais, danser Marie-Jeanne, mais danser Marie-Jeanne. Pas besoin de besoin, mais des dames qui cartonnent. Remets sucre de crème, mais les vêtements n'oublient personne. Bon, tu dis, bon, consomme, on fait pas la personne. On en a quelques copines branchées sous leur face au diom. Que de la dope qui cartonne, on la ramasse en automne. On fume du cannabis, maintenant prends pas de méthadone. Ça fume à Lisbonne, au Vietnam, à Hong Kong, Amsterdam, à Kingston. Ça fume aux quatre coins du globe. Ça fume dans les dômes, comme ça fume dans la métropole. Ça fume dans ma tête et ça fait mal aux neurones. Moi j'fais de la ganja muffin boy. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin, yeah. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin boy. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin boy. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin, yeah. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin boy. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin. Paye ton brun, paye ton choco, paye ta maca, ton mego, paye ton buzz, paye ton bédo, ton slip de white widow, paye ton 12 de Marocco, ton seul cas double zéro. Fais tourner dans la salle, de quoi monter plus haut. Tu veux tout savoir, on a la weed dans les tiroirs. Chanter la baignoire sur le tapis du couloir, maintenant cache un laboratoire. Je te raconte pas d'histoire, on est les frères pétards. On chaud de ragame vie, maintenant on veut pas de mescaline, d'héroïne, de cocaïne, mais de pas de crack et de kétamine. On chaud de ragame vie, maintenant on veut pas de mescaline, d'héroïne, de cocaïne, mais de pas de crack et de kétamine. C'est bon que d'être bien. On sent la qualité directement. Faites de béton, John. Un petit pétard dès qu'il tourne, je suis là moi. Avec le cannabis, ça donne un air crétin, elle a raison, puis on rigole bêtement. L'homme d'un homme, j'ai l'homme, dealer de vérité publique, de part de tonnes et des tonnes qui passent sous le nez des flics. Des coups de téléphone, des balises diplomatiques. J'ai l'homme dénonce leur corruption politique. S-H-I-L-O-M, le DJ fumigène, aux rimes hallucinogènes, mais qui n'est pas cancérigène. S-H-I-L-O-M, DJ quand j'ai un phénomène. Cultive du pollen, donne de la culture au GM. Give me high grade, give me high quality. Give me the sense of media, gonna get me high ring. Give me high dream, give me spirituality. My better cut it weird, gonna give me free. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin boy. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin, yeah. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin boy. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin boy. Ganja muffin, moi j'fais de la ganja muffin. bambolé, bambolé, c'est bon, bambolé. Tu roules bamboule en premier, bambolé. Y'a la quantité, y'a la qualité, c'est bon, bambolé. C'est comme ça depuis des années. Bambolé, bambolé, bambolé, bambolé, bambolé, bambolé. Voiture calcinée, j'aperçois la compagnie républicaine de sécurité. Y'a des casques et des boucliers, les vestes en cargoulé. Un cocktail enflammé pour fêter la nouvelle année. Des vitrines saccagées, des fumigènes et des pavés. Ça y est, l'ordre est tombé, la cavalerie va charger. Tabasser tout ce que vous pouvez, femmes, enfants, personnes âgées. Avocats, pêcheurs ou pompiers, même les handicapés. Fallait pas la ramener, fallait pas manifester. T'as rien, man à réclamer, man à déclamer, man à déclarer. Pas dur autorisé, sonner la fin de la récré. Pas de quartier de pitié de la part des gardiens de la paix. Trop de flics, manque d'éducation civique. J'ai pas l'impression d'être un danger public. Trop de flics manient les menottes en un clic. À tous les coins de rue y en a 100. Tu connais la suite. Y'a plus d'humain que des numéros. Des codes barres pour les impôts. Immatriculé comme un veau, mais aussi docile qu'un agneau. On nous marque au fer rouge avec une puce dans la peau. Que personne ne bouge ou les chiens sortent les crocs. On sort sur le réseau, y'a des barbelés sur l'info. Parqués dans un enclos, faut pas non plus que t'en saches trop. Nous contrôlons nos vidéos comme des rats dans un labo. Classés dans un fichier des renseignements généraux. Ou entassés dans le métro, réglés comme un robot. Des moutons dans un troupeau qui croient qu'on gagne au loto. Sergent Garcia dans Zorro, ou comme le sergent Roscoe. Mais ça mentait du goulot, pas foutu d'être là quand il faut. Trop de flics, manque d'éducation civique. J'ai pas l'impression d'être un danger public. Trop de flics, manient les menottes en un clic. À tous les coins de rue y'en a 100. Tu connais la suite. Ну что, ребята, не знаю, как вам, а мне очень понравилось это музыкальное путешествие. Я окунулся здесь буквально в несколько вот и элементов хип-хопа, и музыкальных стилей. Здесь я услышал и ридимы, да, и такие ямайский стиль рагамаффин, тостинг, все это было смешано именно с французским, естественно, акцентом. В общем, хип-хоп неделим, да, здесь же и скретчинг под конец мы с вами услышали, и это очень здорово. Французы умеют делать не только рэп, но и рагамаффин стайл, и мы с вами это почувствовали прямо сейчас на нефтерадио.онлайн, а также на Freak Radio. Друзья, заходите в наши чаты, заходите в наши социальные сети. Freak Radio есть, напомню, ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook, а также в Телеграме, Pinterest и в Перископе стримы идут, и в Твитчере, в общем, либо заходите в нефтерадио.онлайн, там есть у нас чатик, где можно вот переписываться, оставлять свои пожелания, а также вопросики и предложения. Друзья, давайте вместе создавать интерактив. С вами был Микс Мастер Фрик, мы уже более часа были в эфире. Услышимся обязательно на нашей радиостанции нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. Мы будем готовить следующие музыкальные релизы, следующие вот хип-хоп новинки для вас. Есть у нас что вам показать, есть что рассказать. Было бы время, а желание мы всегда найдем. Ну что ж, не переключайтесь, больше хорошей музыки вас ожидает уже далее, непосредственно в нашем радиоэфире, который 24/7 идет, друзья. Вот. Ну что, услышимся. Пока-пока. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.